En Grande-Bretagne, l'Association d'études de la politique de Sungun, le Cercle d'études des études Jutsil, l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 ont lancé le 10 une déclaration commune en signe de soutien à l'appel du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.